Le mec il est mort, on peut pas avoir parole. Il est mort. 80. La nuit se meurt sur le bord d'un ruisseau. Sur les ninjas là. Ah, ça va pas marcher. Ah, c'est une boîte, c'est bon. Écoute l'heure. Thank you. l'enfance oubliée. Noir corbeau, les pieds usés, aérer sur la route, ne plus penser aux parents qu'il redoute, comme un bateau à la dérive. Il a peur. Comme un bateau à la dérive. Il a peur, il a mal. Thank you.

Thank you. Thank you.